Histoire vivante, c'est tout de suite. Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Alors, tout le monde est en place. Moteur. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On avait rarement vu autant de vedettes au mètre carré. Mais j'avais l'occasion d'être assis dans le noir, de fixer l'écran toute la journée. Le cinéma est un agent de l'histoire. Histoire vivante, cette semaine, il était une fois dans l'Ouest. Attention où vous mettez les pieds. Des pionniers à l'industrie. Et ces lumières qui, en une nuit d'insomnie, a trouvé le système idéal de la traction de la pellicule pour faire la synthèse du mouvement. Et ce fut le cinématographe. Le cinéma américain. Aujourd'hui, dans les environs de l'Hainaut, le 4x4 a remplacé le cheval. Looking at the new waitress. Et si vous deviez choisir, vous seriez plutôt John Wayne ou James Stewart? Aujourd'hui, titre de l'épisode, Coup tordu. Les fabricants de films du cinéma indépendant sont éparpillés aux quatre coins de l'immense territoire des États-Unis. Du Maine à la Floride, du Nouveau-Mexique à l'Oregon, sans compter les équipes en tournage. Et il faut faire face à la menace permanente exercée par le Trust. Le Trust, autrement dit, le conglomérat Edison Biograph. Le Trust a en tête d'avoir la mainmise financière sur tout ce qui se fait en matière de cinéma, de la production à la diffusion. À tous ceux qui tentent de s'opposer à eux, ils envoient des hommes de main. Leur credo, ils sont les constructeurs, les inventeurs des principaux outils sur leur continent. Ils revendiquent un droit qu'ils prétendent légal, fracassant les lois antitrust en cours aux États-Unis. Et pour s'opposer à eux, il y a les indépendants, qui luttent à bout de bras. Mais le trust et ses méthodes inspirent notamment la concurrence. Décembre 1911, la Cour suprême rend son jugement sur la propriété des perforations qui a été demandée par Thomas Edison. Et la Cour lui donne tort. Sur une évidence, Edison n'a pas inventé la pellicule cinématographique, il ne peut donc breveter les trous percés dans celle-ci. Mais Edison n'aura pas tout perdu dans la bataille juridique. On lui reconnaît le statut d'inventeur du mécanisme de la caméra. Un verdict qui permet aux avocats d'Edison de se concentrer sur le second élément. Le second élément indispensable après les perforations, la boucle. La nécessité de la boucle est incontestable. Sans la boucle, le film casse dès qu'on met en marche la caméra. Alan Doane, réalisateur à Hollywood. Ils affirmaient qu'ils étaient à l'origine de la boucle dans la caméra. Ils ont obtenu une injonction du tribunal. Nous n'en avons tenu aucun compte. Et pour nous arrêter, ils se sont mis à engager des bandits pour nous saboter le métier. Soit en détruisant la caméra, s'ils arrivaient à mettre la main dessus, soit en incendiant notre studio lorsque nous en avions un. C'est une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous sont partis pour la Californie et pour d'autres endroits lointains. Nous devions sortir des zones peuplées où des bandits pouvaient se cacher, surgir, revolver à la main et emporter la caméra. Ils avaient découvert qu'en perçant la caméra à coups de revolver, on la mettait hors d'usage. Et c'est devenu leur méthode préférée. Ils ont envoyé des pistoleros. Là où nous travaillions, à San Juan Capistrano, une ligne de chemin de fer passait tout près. Et j'ai pensé que c'était imprudent de rester dans les parages. Alors j'ai emmené mon équipe à un endroit du nom de La Mesa, derrière San Diego. Là, nous ne craignions pas qu'on nous prenne par surprise en venant par le train parce que nous tenions le dépôt à l'œil. J'ai armé mes trois cow-boys, les frères Morrison de Winchester. J'ai engagé quelques autres cow-boys et je les ai placés en faction devant nos lieux de tournage. Si quelqu'un se présentait avec une arme quelconque, ils l'arrêtaient et le désarmaient. Ainsi, nous étions plus ou moins en sécurité. Un jour, un type est descendu du train. Un type a l'air sournois et il a demandé à voir le patron. Il ne m'inspirait pas confiance. J'ai dit « Allons faire un tour ». Nous avons marché. Peu après, nous sommes arrivés à un arroyo, une petite rivière qui passait sous un pont et où les gens avaient jeté des boîtes de conserve. Pour m'impressionner, il a dégainé un revolver de sa ceinture et il a tiré sur une boîte. Aussitôt, j'ai dégainé et tiré. Il a raté, j'ai fait mouche trois fois. Il est reparti vers le dépôt, il est tombé sur les trois frères Morrison qui le tenaient en joue avec leur Winchester. Il a compris qu'il était temps de plier bagages. Nous n'avons plus jamais été dérangés. On s'était fait une réputation de dur. Les rues de Chicago ne sont pas bonnes à fréquenter. Les syndicats ennemis prétendant représenter les gérants de cinéma ont engagé de la main-d'œuvre. Résultat, les rues sont transformées en champs de tir. Il en est de même pour la vente des journaux. Les affrontements s'avèrent également violents. Il y a comme de l'avenir dans le maniement du revolver. Et tout le monde engage, les gangsters du Trust aussi bien que les indépendants. Les indépendants qui engagent en plus des avocats pour damer le pion aux défenseurs des brevets. L'autodéfense coûte fort cher. La guerre des brevets va entraîner des départs en masse de New York et du New Jersey. Restent les plus courageux, ou peut-être les plus inconscients. Ceux qui refusent de payer ce que le Trust leur demande. On pense à ces Américains d'origine, refusant de payer leurs taxes aux Britanniques. Le Trust peut et veut écraser les indépendants. Il a une arme fatale, la licence. Chaque film doit en posséder une. Elle dépend du Trust. Sans les films sous licence, un propriétaire de salle est à peu près sûr de finir dans le mur. Les indépendants sont une force bien trop aléatoire. Mais parmi les indépendants, il y a également quelques tranches de vie fort peu communes. Sa mère vient de mourir, Karl Lemmel a tout juste 17 ans. Aucune envie de rester en Allemagne, autant partir. Partir, c'est-à-dire prendre le bateau pour le seul horizon qui vaille vraiment. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a l'Amérique. Le 27 février 1884, il a devant lui Ellis Island et une haute femme drapée sculpté dans la pierre de Moselle, brandissant une torche de la main droite. Dans sa main gauche, une tablette. Il y est gravé 4 juillet 1776. Sur sa tête, une couronne à 7 branches. Sur le socle où elle est posée, ces mots. Keep ancient lands, you storied pomp, cries she. Garde, vieux monde, tes fastes d'un autre âge, crie-t-elle. Give me your tithe. Donne-moi tes pauvres, tes exténués. Your huddled masses yearning to breathe free. Qui, en rang pressé, aspire à vivre libre. The wretched refuse your teeming shore. Le rebut de tes rivages surpeuplés. Tempest toast. Envoie-les-moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte. I lift my lamp. De ma lumière, j'éclaire la porte d'or. Emma Lazarus. Le frère de Karl Lemmel s'est déjà installé sur place. Il le rejoint. Il travaille auprès de lui comme aide-comptable. C'est un bûcheur, un acharné qui ne compte pas ses heures. Il gravit bientôt un à un tous les échelons de la compagnie. Mais Karl Lemmel, le bourreau de travail, est également un guetteur. Il sent, il flaire. il voit bien l'effervescence qui règne autour du cinéma. Alors il décide d'investir. Voilà maintenant 12 ans qu'il est arrivé aux États-Unis. Avec son épouse, il crée une société de diffusion, The Lemel Film Service, et ils ouvrent des Nickelodeon. Ils respectent la règle, pas à moins de 200 pieds d'une église. Et puis d'autres règles, l'entrée, un nickel. Autre règle, des salles de 199 places. À partir du 200e fauteuil, on doit payer une licence de théâtre bien plus onéreuse. Tout est respecté scrupuleusement. Le paradis, pour le public noir qu'on envoie au balcon, en passant par la porte de derrière, les salles qui sont peintes en rouge, les murs décorés de panneaux, interdit de fumer, enlevez votre chapeau, restez autant qu'il vous plaira. Le succès est immédiat. Pour la seule année 1907, 2 millions de personnes par jour. Tout le monde n'a qu'une envie de dévorer les courts-métrages qui y sont diffusés. Un petit quart d'heure pour certains. On complète alors, avec des projections de lanternes, des chansons, des conférences, à côté de l'écran, un piano, et le public est là, les yeux rivés sur l'écran, dévorant les mélodrames. Vers le sommet dramatique, les lèvres s'entrouvrent, les yeux s'emplissent de larmes. Premier avertissement du Trust Edison. Lemel doit s'acquitter des droits de projection. Lemel refuse. Côté Trust, pression plus accentuée. L'union faisant la force, parfois, Lemel s'associe à un certain Vilmos Fried, un Hongrois. Comme la plupart des émigrants, il va changer de nom, prendre un patronyme américain. Ce sera William Fox, le futur créateur de la 20th Century. Pour parer aux droits de tournage réclamés également par le Trust, Lemel fonde sa compagnie de production et la baptise Independent Motion Picture Company, acronyme IMPC. Le Robin des Bois du cinéma est quelque peu espiègle et toujours aussi acharné dans le travail. Il va produire pour la première année d'exploitation plus de 100 films. Face à lui, ce sont également des acharnés. Le Trust continue de faire pression. La presse s'en empare. Les caricaturistes. On voit Lemel comme un pauvre et solitaire cow-boy entouré des membres du Trust maquillés en indien et tirant sur le bonhomme. En moins de 3 ans, Carl Lemel va connaître 289 procès. Au cours de l'un d'entre eux, il est confronté à une course contre la montre. Il a une journée, une seule, en tout et pour tout, pour trouver une utilisation antérieure de perforation analogue à celle de la pellicule. Un petit malin suggère un modèle de papier de toilette particulier qui répondent un peu à la situation. La comparaison s'arrête là. On prend ce qu'on trouve. Mais l'argument est validé. Lemel est sauvé. Ce procès va faire grand bruit. On se dit que l'Allemand et le Hongrois ont su tenir tête au Trust. Et puisque, par nature, tous les mouvements cherchent un meneur, Lemel prend désormais la tête des indépendants. Thank you. 1912. Une grande compagnie, la Motion Picture Distributing and Sales Company, éclate. Elle se scinde en plusieurs groupes. L'un d'eux se nomme Universal. Aussitôt, Carl Lemel, chef des indépendants, s'en empare. Universal ne tarde pas à se conduire comme le trust. Lorsqu'un autre groupe, la New York Motion Picture Company, le comprend, elle veut se retirer de l'affaire. La compagnie mère passe aussitôt à la contre-attaque. Irvin Willatt, réalisateur. Les gens de Universal ont engagé des gangsters pour s'emparer par la force du laboratoire de la New York Motion Picture Company. Mon frère, qui dirigeait le laboratoire, m'a dit que nous risquions d'avoir des ennuis et qu'il avait fait venir deux hommes pour servir de gardiens. Entre ces deux gardiens et la bande qui essayait d'entrer en bas, 5 ou 6 coups de feu ont été échangés. J'ai entendu dire que Tom Ince avait aligné ses cow-boys et qu'il était prêt à les accueillir avec une véritable armée. Je n'y étais pas pour le voir. Mais quand je suis allé dans l'Est, il y a eu une autre tentative de coup de force, par Mark Dintenfass. Monsieur Ince m'a convoqué et m'a dit « Irvin, prends ce 45, accroche-le sur toi et descends au grand portail. Si on vient, tu dis qu'on n'entre pas. Si on essaie d'entrer, tu as mon autorisation de tirer. » Mr. Dintenfass est arrivé avec 2 autres types. Ils me connaissaient. Ils ont essayé de me persuader d'ouvrir le portail. J'ai dit « Monsieur Dintenfass, j'ai les ordres d'empêcher tout le monde d'entrer. Je suis certain que vos intentions sont honorables, mais je vous en prie, n'entrez pas et ne faites entrer personne, parce que je devrais tirer. » L'un d'eux a dit « J'ai l'impression que le petit est résolu. » Et ils sont partis. Le public, lui, ne voit rien, ne sait rien. Ces règlements de compte sont essentiellement internes. Il faut avant tout préserver la poule aux œufs d'or, autrement dit, la pureté des films. Côté trust, on parle un double langage. D'un côté, on affirme ne pas vouloir exercer de monopole. Dans la réalité, il en est tout autrement. Et la peur de perdre son job dans un métier en pleine expansion fait le reste. Il faut avoir un caractère bien trempé pour se hisser dans le métier. Cecil B. DeMille a fait jusque-là son ascension dans la production. Mais il veut toucher à la caméra. Il engage un co-réalisateur, un ancien de chez Edison, familier des méthodes musclées, et ils partent direction Arizona. Là-bas, personne ne viendra les embêter. Le tournage de Cecil B. DeMille est prêt, mais cette fois-ci, c'est une bagarre entre éleveurs de bestiaux et éleveurs de moutons qui se déclenche. Bientôt, les balles sifflent. L'équipe est obligée de remonter dans le train. À tout hasard, B. DeMille a emporté un revolver dans ses bagages. Il commence à tourner à Hollywood. Il a fait entre-temps l'acquisition d'un loup pour le tournage et s'est décidé à le garder à son domicile. Une protection sans doute, mais un objet de souci également. Quand il rentre chez lui, il découvre son précieux négatif déroulé, répandu sur le sol, rayé, déchiqueté. Mais Cecil B. DeMille a de l'instinct. Il a fait 2 négatifs. Il lui en reste donc 1, tout neuf. Quelque temps plus tard, Cecil B. DeMille reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier anonyme. Fermez votre studio, ou votre vie ne vaudra pas lourd. Peu impressionnable, le destinataire part aussitôt acheter un autre revolver. Beaucoup plus gros. Et pour qu'on ait aucun doute sur ses intentions, il le porte bien en évidence par-dessus sa ceinture. Hollywood en 1913 est une ville frontière. Ce soir-là, Cecil B. DeMille traverse en voiture Cahuenga Pass pour rentrer chez lui. Le Trust ne vise plus seulement les caméras, il tire pour tuer. Les ennuis ne s'arrêtent pas là. Pour contourner le problème des perforations de pellicule, revendication d'Edison à la propriété industrielle, Cecil Biedemeil achète une machine à perforer britannique, avant de se rendre compte que l'appareil n'est pas compatible. Première projection, le film sautille devant la fenêtre, l'image glisse hors de l'écran, c'est une catastrophe. Et puis, comme parfois, un ange vient à passer. L'ange en question se nomme Sigmund Pop Lobin. Il vient de Philadelphie. Il a travaillé pour le Trust, mais peu importe. Il propose de mettre ses techniciens à disposition pour refaire les perforations de la pellicule. Décidément, un fort brave homme. Mais pas seulement. Sigmund Lobin est un copieur notoire. Depuis ses débuts, il a contretypé, plagié des films à succès et les a lancés sur le marché sous sa propre marque. En testant le négatif de The Screw Man, ses techniciens feront discrètement une copie pirate. Et Cecil Biedemeil, d'un tempérament des plus entêtés, tournera à nouveau son film 15 années plus tard. Wait a minute, baby. No Jane runs out on Hawkins. Least of all, that score. You're wrong, Ken. Shut up. Le Trust a des idées bien arrêtées en matière de production. Il s'agit de ne rien changer au statu quo. Le cinéma est peut-être une mode passagère, obligation faite aux réalisateurs de livrer des produits courts, de qualité limitée, le public s'en contentera. Le Trust est opposé à toute idée de long métrage. Pour lui, les sujets multiples, diversifiés, attirent mieux le public. Les rares longs métrages présentés dans les Nickelodeon le sont alors par épisode. Un certain George Klein va apporter la révolution. George Klein réussit à importer un péplum italien, Quo Vadis. Il loue un grand théâtre. Il fixe le prix d'entrée à 1 dollar, bien plus élevé que le nickel habituel, et présente le film en une seule projection. George Klein a enfreint les règles. Il est membre du Trust. Il a donc agi sans son accord. Mais qu'importe, le public est là. L'événement est considérable. La force du cinéma italien est précisément dans son rythme, dans sa démesure. C'est un héritage de l'opéra transmis avec ce nouveau moyen d'expression. Les grandes productions italiennes se démarquent sur un point essentiel. Ils mettent à disposition des moyens monumentaux. David Griffith se rend à l'évidence. Il entreprend à son tour en 1913 un grand spectacle biblique à l'italienne. Judith de Betbouley. La sortie du film est retardée. Pendant ce temps, biographe négocie ailleurs en vue de produire des longs métrages et Griffith est tenu à l'écart. Griffith rompt avec biographe, quitte New York et vient s'établir en Californie. Pour le Trust, c'est une érosion qui commence. Parce que le besoin de grands films est désormais là. Que les licences ne peuvent qu'être accordées à quiconque présentant un programme ambitieux et original. Et les indépendants le savent. Pour quelques dollars de plus, bon nombre d'employés du Trust sont détournables. Peu à peu confrontés à des procédures judiciaires toujours plus longues, toujours plus paralysantes, le Trust voit son hégémonie s'émousser. Et puis il y aura le coup de grâce. Officiellement poursuivi au nom de la loi Sherman, la Patents Company finit par être démasquée comme Trust. Le gouvernement des États-Unis contraint la dissolution. Prenons une pause dans ce récit en compagnie d'un témoin de l'époque, le réalisateur King Vidor. Son grand-père est venu de Hongrie dans la vague des immigrants du début du 19e siècle. Son père s'est occupé d'exploitations forestières. Lui étudie à l'école militaire, mais il déteste ça. Il en sort. Vidor rêve de cinéma. Il fera projectionniste, figurant, assistant, comptable, et bientôt tournera des premiers petits films. Et comme tout le monde, avec les moyens du bord. J'ai aussi été contrôleur, mais mon travail dans la cabine de projection ne durait que l'heure du lunch, quand le vrai projectionniste s'absentait. Ouf, je devais avoir 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Mon travail durait de 10h30 du matin à 22h30, et je touchais $3.50 par semaine. Mais j'avais l'occasion d'être assis dans le noir et de fixer l'écran toute la journée. Vous le savez, à l'époque, il y avait beaucoup de courts-métrages. Notamment, je me souviens de l'un de un Ben-Hur italien. Je me souviens d'avoir vu ce Ben-Hur d'une demi-heure durant 12 heures. Et ainsi, je le vis 24 fois. Vous connaissiez le sujet par cœur. Oui, je le connaissais parfaitement. Et j'ai eu la chance d'en voir d'autres. Et à chaque fois, j'étais fasciné dès le début. Ils avaient un bon théâtre dans cette ville de Carlson au Texas. J'étais en admiration devant les artistes de théâtre et de cinéma. Je ne pense pas que j'ai pu devenir un brillant acteur, de sorte que quand le cinéma est apparu, à peu près à cette époque, j'ai été accroché par le cinéma, parce que j'étais en fait un combiné de photographe et d'écrivain, un peu acteur. J'aimais la mécanique, de sorte que le cinéma avait tout ce qu'il fallait pour me plaire. Et vous avez senti que c'était votre chemin à suivre. Oui, exactement. Comme quelqu'un qui commence à jouer du violon ou du piano, à peindre, enfin à embrasser une quelconque carrière artistique. Je savais exactement ce que je voulais faire et je m'y suis tenu. Peu importe la part que j'y prenais, je n'examinais pas la situation en espérant absolument devenir metteur en scène. J'étais un homme comme tout le monde qui voulait prendre part à la facture d'un film. Et c'est ainsi que je suis devenu caméraman pendant un certain temps. Et nous avons tourné plusieurs films au Texas. La raison de ma venue à Hollywood était que je voulais pénétrer à l'intérieur d'un studio et voir comment cela se passait. 5 ans avant l'arrivée de King Vidor, Hollywood n'était qu'une petite bourgade au milieu des orangers. Mais elle vit bientôt affluer tous ceux qui voulaient faire du cinéma et King Vidor ne fit pas exception à la règle. Malgré ce boom sur Hollywood, la petite ville tranquille n'avait rien de comparable à ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, il n'était pas nécessaire de dépenser des millions pour construire un studio. Un studio était ordinairement un immeuble, un bungalow, une maison placée au bord d'un terrain dont l'arrière était constitué par une scène à ciel ouvert, au-dessus de laquelle on pouvait tendre des tentures claires ou des tentures noires, tout ceci pour diffuser ou bloquer la lumière. Ainsi, quelqu'un qui avait assez d'argent pour construire une scène de ce genre, on utilisait uniquement la lumière du jour pour filmer, et quand il pleuvait, on arrêtait simplement le travail, pouvait avoir son propre studio. Et il y en avait beaucoup de ces petits studios de Hollywood à Santa Monica, également en direction de Glendale. Il y avait aussi quelques grands studios comme Universal City qui existaient déjà. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « Un homme de la démesure ». Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez les podcasts sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.